Les caresses de Gwynplaine et de Dea n'allaient guère au-delà des mains pressées, et parfois du bras nu effleuré. Une volupté doucement bégayante leur suffisait. 24 ans, 16 ans. Cela fit qu'un matin, Ursus, ne perdant pas de vue son mauvais tour, leur dit « Un de ces jours, vous choisirez une religion. »« Pourquoi faire ?» demanda Gwynplaine. « Pour vous marier. »« Mais c'est fait, » répondit Dea. Dea ne comprenait point qu'on pût être mari et femme plus qu'il ne l'était. Certes, les inséparables étaient là. Dea avait la beauté, Gwynplaine avait la lumière. Chacun apportait sa dot. Il faisait plus que le couple, il faisait la paire, séparée seulement par l'innocence, interposition sacrée. Cependant, Gwynplaine avait beau rêver et s'absorber le plus qu'il pouvait dans la contemplation de Dea et dans le fort intérieur de son amour, il était homme. Les lois fatales ne s'éludent point. Il subissait, comme toute immense nature, les fermentations obscures voulues par le Créateur. Cela, parfois, quand il paraissait en public, lui faisait garder les femmes qui étaient dans la foule. Mais il détournait tout de suite son regard en contravention. Il se hâtait de rentrer, repentant dans son âme. Ajoutons que l'encouragement manquait. Sur le visage de toutes les femmes qui le regardaient, il voyait l'aversion, l'antipathie, la répugnance, le rejet. Il était clair qu'aucune autre que Dea n'était possible pour lui. Cela l'aidait à se repentir.